sur la scène comme à la boulangerie, comme dans le corps d'une jolie fille. Quand notre vie n'est que gourmandise, pourquoi le départ est-il toujours de mise? Moi je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je ne veux pas, pas, veux pas, pas, veux pas, pas, veux pas partir. La bouche d'un mannequin photo, je vois pas pourquoi faudrait s'enfuir. Le gland entre ses dents, je crois qu'il faut se finir et y rester toute sa vie. Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je ne veux pas, pas, veux pas, pas, veux pas, pas, veux pas partir. La vie peut être parfois si belle quand on n'y reste jamais trop longtemps. Mais entre tes seins artificiels, c'est décidé, j'arrête le temps. Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je ne veux pas, pas, veux pas, pas, veux pas partir. Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir.